بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La révélation de l'Écriture provient de Dieu, le puissant, le sage. Nous t'avons certes révélé l'Écriture, ô Mohammed, en toute vérité. Alors adore Dieu en lui vouant un culte exclusif. C'est à Dieu qu'appartient la religion pure, et ceux qui prennent des alliés et protecteurs en dehors de Dieu disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage de Dieu. » En vérité, Dieu jugera entre eux au sujet de leurs différends. Certes, Dieu ne guide point celui qui ment et qui se montre ingrat. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار Si Dieu avait voulu s'attribuer un fils, il aurait choisi ce qu'il aurait voulu de ce qu'il crée. Gloire à lui, il est Dieu l'unique, le dominateur suprême. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour, et il enroule le jour sur la nuit. Et il contraint le soleil et la lune à poursuivre chacun leur course, jusqu'à un terme préétabli. N'est-il pas le puissant ? Le pardonneur. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون Il vous a créé à partir d'un être unique, dont il a ensuite tiré son épouse. Il a créé pour vous 8 couples de bestiaux. Il vous a créé dans le ventre de votre mère, phase après phase, au fond de 3 couches de ténèbres. Tel est Dieu votre Seigneur. À lui appartient le pouvoir suprême. Nul ne doit être adoré en dehors de lui. Comment pouvez-vous vous détourner ? إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Si vous me croyez, Dieu se passe largement de vous et qu'il n'aime pas la mécréance pour ses serviteurs. Il agrée toujours cependant leur reconnaissance. Nulle âme ne portera le fardeau d'une autre, et c'est vers votre Seigneur que vous retournerez. C'est alors qu'il vous informera de ce que vous faisiez, car il connaît parfaitement ce que contient le cœur de l'homme. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Quand un malheur touche l'homme, il invoque son Seigneur en se tournant vers lui, tout repentant. Puis, quand il lui accorde un bienfait, il oublie la raison pour laquelle il l'avait invoqué et prête des égaux à Dieu, afin d'égarer les gens de son chemin. Dis, complais-toi donc dans ta mécréance un court moment. Tu fais partie des gens de l'enfer. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, prie prosterné et debout, en tenant compte de l'au-delà et en espérant la miséricorde de son Seigneur, est égal aux mécréants? Dis-leur, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence prêtent attention. Dis, ô mes serviteurs qui croyez, craignez pieusement envers votre Seigneur. Ceux qui auront fait le bien en ce monde recevront une belle récompense. La terre de Dieu est vaste, et ceux qui auront été patients recevront leur pleine récompense au-delà de toute mesure. أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني. Dis, certes il m'a été ordonné d'adorer Dieu en lui vouant un culte exclusif, et il m'a été ordonné d'être le premier de ceux qui se soumettent à lui en musulman. Dis, je crains si je désobéis à mon Seigneur le châtiment d'un jour terrible. Dis, c'est Dieu que j'adore et je lui voue un culte exclusif. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. Adorez donc qui vous voudrez en dehors de lui. Dis, les perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, auront causé la perte de leur âme et de celle de leur famille. Voilà la véritable perte. Il y aura au-dessus d'eux des couches de feu, tandis que d'autres s'étendront au-dessous d'eux. C'est contre cela que Dieu met en garde ses serviteurs. Ô mes serviteurs, craignez-moi donc. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Ceux qui s'éloignent de l'adoration des fausses divinités et qui reviennent à Dieu repentant, il y a pour eux une bonne nouvelle. Alors annonce la bonne nouvelle, ô Mohammed, à mes serviteurs, qui écoutent attentivement ma parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur. Voilà ceux que Dieu guide. Ce sont eux les doués d'intelligence. أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ. Peux-tu sauver celui sur qui s'est réalisée la promesse des tourments? Est-ce que tu sauves celui qui est déjà dans le feu? Mais ceux qui auront craint pieusement leur Seigneur auront pour demeure des appartements haut placés, ayant au-dessus d'eux des appartements savamment bâtis et sous lesquels coulent des ruisseaux. C'est la promesse de Dieu, et Dieu ne manque jamais à sa promesse. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Ne vois-tu pas que Dieu fait descendre du ciel une eau, qu'il fait circuler en terre, en source et cours d'eau? Puis il fait pousser grâce à elle un champ aux couleurs diverses. Puis le champ se fane et tu le vois tourner au jaune. Puis il le réduit à l'état d'ivraie. Il y a là un rappel pour les doués d'intelligence. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Est-ce que celui dont Dieu ouvre le cœur à l'islam, qui se soumet à lui, et qui est guidé par sa lumière est semblable à celui qui ne croit pas? Malheur donc à ceux dont le cœur s'est endurci contre le rappel de Dieu. Ceux-là sont dans un égarement évident. Dieu a révélé le plus beau des messages, un livre dont certaines parties se ressemblent et se répètent fréquemment, et qui fait frissonner ceux qui craignent leur Seigneur. Puis, leur corps et leur cœur s'apaisent au rappel de Dieu. Telle est la grâce de Dieu par laquelle il dirige vers lui qui il veut, et quiconque Dieu laisse s'égarer, nul ne saurait le guider. أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Celui qui au jour de la résurrection aura à se protéger le visage contre le terrible châtiment est-il comparable à celui qui aura fait le bien? Il sera dit aux injustes, goûtez à ce que vous avez acquis. Ceux qui ont vécu avant eux ont eux aussi rejeté les messagers. Alors le châtiment s'est abattu sur eux, par là où ils ne l'avaient point pressenti. C'est ainsi que Dieu leur fit goûter à l'humiliation en cette vie. Cependant, le châtiment de l'au-delà est bien plus terrible, si seulement ils savaient. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Dans ce Coran, nous avons cité pour les gens des exemples de toutes sortes afin qu'ils réfléchissent. Un Coran en langue arabe, exempt de tout équivoque, peut-être deviendront-ils pieux. Dieu vous propose en parabole un homme appartenant à plusieurs associés qui se disputent sans cesse ses services et un autre homme appartenant à une seule personne. Sont-ils égaux? Louange à Dieu, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Certes, tu mourras et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous réglerez vos disputes devant votre Seigneur. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. Quel pire injuste que celui qui invente un mensonge au sujet de Dieu et qui nie la vérité lorsqu'elle lui parvient. La demeure dernière des mécréants ne sera-t-elle pas l'enfer? Tandis que celui qui vient avec la vérité, et celui qui y croit et la soutient, ceux-là sont les dévoués. Ils auront tout ce qu'ils désireront de leur Seigneur, voilà la récompense des bienfaisants. Afin que Dieu efface ce qu'ils auront fait de pire, et les récompense pour ce qu'ils auront fait de meilleur. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. Dieu ne suffit-il pas à son serviteur comme soutien? Mais il tente de t'effrayer avec ses divinités autres que lui. Quiconque Dieu égare, nul ne saurait le guider. Quiconque Dieu guide, nul ne saurait l'égarer. Dieu n'est-il pas puissant? Est parfaitement capable de rétribuer le mal. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Et si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils répondraient Dieu. Dis, considérez ceux que vous adorez en dehors de lui. Si Dieu décidait qu'un mal me touche, ses divinités seraient-elles capables de m'en délivrer? Et si Dieu décidait qu'une miséricorde me touche, pourrait-elle empêcher sa miséricorde de m'atteindre? Dis, Dieu me suffit, et c'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un véritable soutien. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Dis, ô mon peuple, agissez à votre façon, j'agirai selon la mienne, et bientôt vous saurez sur qui s'abattra un châtiment humiliant, et vous saurez qui subira un châtiment éternel. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. Nous t'avons révélé l'Écriture pour les hommes, et en toute vérité, quiconque choisit la bonne voie le fait pour son propre bien, et quiconque s'égare ne le fait qu'à son propre détriment. Tu n'es pas un gardien pour eux. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Au moment de leur mort, Dieu retire l'âme des hommes. Il retire de même celle des gens qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Puis il retient celle des gens dont il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des signes pour les gens qui réfléchissent. قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Choisissent-ils des intercesseurs en dehors de Dieu ? Dis, quoi ? Même s'ils ne détiennent aucun pouvoir et sont dépourvus d'entendement. Dis, l'intercession tout entière appartient à Dieu, à lui le pouvoir suprême sur les cieux et la terre, et c'est vers lui que vous serez tous ramenés. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Quand on mentionne Dieu tout seul, le cœur de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se remplit de dégoût. Et quand on mentionne ceux qu'ils adorent en dehors de lui, les voilà qui se réjouissent. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ Dis, ô Dieu, créateur des cieux et de la terre, toi qui connais ce qui est caché et ce qui est apparent, toi seul jugeras entre tes serviteurs au sujet de leurs différends. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Si les injustes possédaient tout ce qui se trouve sur la terre et autant encore, ils l'offriraient volontiers comme rançon au jour de la résurrection, pour échapper au terrible châtiment. Et ils verront apparaître, de la part de Dieu, ce à quoi ils ne se seraient jamais attendus. Tout le mal qu'ils auront commis leur apparaîtra, et ils se verront cernés par tout ce qu'ils avaient l'habitude de prendre en raillerie. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Quand un malheur touche l'homme, il nous invoque. Mais quand par la suite, il reçoit un bienfait de notre part, il dit « Je ne dois cela qu'à mon savoir. » C'est une épreuve plutôt. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ainsi parlaient ceux qui vécurent avant eux. Mais ce qu'ils avaient acquis ne leur fut d'aucun secours. Ils furent donc atteints par les mauvaises conséquences de leurs méfaits. Ceux qui sont injustes parmi les Mécois seront aussi atteints par les mauvaises conséquences de leurs méfaits, et ils ne pourront aucunement échapper à la puissance de Dieu. Ne savent-ils pas que Dieu dispense largement sa subsistance à qui il veut, et qu'il la restreint à qui il veut ? Certes, il y a en cela des preuves pour les gens qui croient. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car il pardonne tous les péchés. Certes, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Revenez repentant vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui, en vrai musulman, avant que ne vous vienne le châtiment, car vous ne recevrez alors aucun secours. Et suivez le meilleur de ce qui vous a été révélé par votre Seigneur, avant que ne s'abatte subitement sur vous le châtiment, sans que vous l'ayez pressenti. أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Et avant que tes lames ne disent « Malheur à moi pour avoir négligé mes devoirs envers Dieu, car j'ai été, certes, parmi les railleurs », ou qu'elles ne disent « Si Dieu m'avait guidé, j'aurais certes été parmi les pieux », ou encore qu'elles ne disent, en voyant le châtiment « Ah, si seulement j'avais une deuxième chance, je serais alors du nombre des bienfaisants ». Mais elle s'entendra répondre, non, car mes signes te sont parvenus et tu les as niés. Tu étais arrogant et tu comptais parmi les mécréants. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Le jour de la résurrection, tu vois ceux qui ont menti à l'encontre de Dieu, le visage noirci. N'y a-t-il pas dans l'enfer la demeure dernière des arrogants? Et Dieu sauvera ceux qui l'auront craint. Leur piété aura été la source de leur salut. Nul mal ne les touchera. Ils ne seront point affligés. Allah khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakeel. Lahu maqalidu as-samawati wal-ard والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. Dieu est le créateur de toutes choses, et de toutes choses il est le gardien. Il détient les clés des cieux et de la terre, et ceux qui ne croient pas en ses signes, les voilà les perdants. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Dis, me commanderez-vous d'adorer autre que Dieu, ô ignorant? En effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu prêtes un ou des associés à Dieu, toutes tes œuvres auront alors été faites en vain, et tu seras certainement du nombre des perdants. Alors au contraire, adore Dieu seul, et sois du nombre des reconnaissants. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Il n'accorde pas à Dieu l'égard qu'il mérite. Alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, tandis que les cieux seront enroulés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de tout ce qu'il lui associe. نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. On soufflera dans la trompe. Et voilà que tous ceux qui se trouveront dans les cieux et sur la terre seront foudroyés. à l'exception de ceux que Dieu voudra épargner. Puis on soufflera dans la trompe une deuxième fois, et voilà que les morts se retrouveront debout à attendre. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Le livre des actions sera déposé, et on fera venir les prophètes et les témoins. On jugera entre eux en toute équité, et ils ne seront point lésés. Chaque âme sera pleinement rétribuée en fonction de ce qu'elle aura œuvré, et Dieu est parfaitement informé de ce qu'ils font. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Ceux qui n'auront pas cru seront conduits par groupe à l'enfer. Et quand ils y arriveront, ses portes s'ouvriront et ses gardiens leur diront « Des messagers parmi vous ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de ce jour ?» Ils répondront « Oui, en effet, mais le décret du châtiment s'est réalisé contre les mécréants. Entrez, leur dira-t-on, par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Quelle horrible demeure ultime que celle des arrogants. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Et l'on conduit au paradis, en groupe homogène, ceux qui avaient craint pieusement leur Seigneur. Et quand ils y arriveront, ses portes s'ouvriront et ses gardiens leur diront « Paix sur vous, vous avez été bons. Entrez donc dans le jardin des délices pour y demeurer éternellement. » Ils répondront alors « Louange à Dieu qui a tenu sa promesse envers nous et nous a fait hériter de la terre. Nous pouvons demeurer au paradis et nous installer là où bon nous semble, comme est généreuse et excellente la récompense de ceux qui font le bien. » وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Et tu verras les anges se presser autour du trône et célébrer les louanges de leur Seigneur, et le jugement entre eux sera rendu en toute équité, et l'on s'écriera « Louange à Dieu, le Seigneur des mondes !»